Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une traversée, celle de la Méditerranée et d'une décennie où une petite île italienne, à moins de 200 km de la Tunisie, est devenue le théâtre des paradoxes d'une Europe globalisée et surtout indifférente au malheur de ses voisins de l'autre rive. Lampedusa est le nom d'un phare, horizon pour les migrants qui prennent la mer pour atteindre l'Europe, citadelle pour les Européens. En septembre 2015, après la publication d'une photo d'un enfant syrien d'origine kurde retrouvé mort sur une plage turque, on s'est souvenu qu'on mourait encore en voulant traverser la Méditerranée. Parmi ces souvenirs, enfouis ou vivaces, il y a ces images de corps alignés sur les quais du port de Lampedusa le 3 octobre 2013. 366 seront finalement repêchés aux abords de l'île italienne. À l'époque, c'est le pire drame en mer de ce début de siècle. Depuis, d'autres embarcations chaviraient, emportant encore plus de vies. Alors, comment la Méditerranée est-elle devenue le passage le plus meurtrier du monde? D'où viennent ces migrants? Comment l'Europe et l'Italie les accueillent-ils? Ou les rejettent-ils? Pour parler de cette histoire sans fin, nous accueillons aujourd'hui Jean-Paul Marie, grand reporter, dont 30 ans pour le Nouvel Obs, prix Albert Londres, prix Bayeux des correspondants de guerre. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les bateaux-livres ». Il a vécu pendant 21 jours en mars dernier à bord de l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée qui porte secours aux embarcations de migrants. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupuy-Henquin et Lucille Valéry. Programmation musicale Muriel Pérez. Lecture et traduction Philippe Pierrat. Réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui Nicolas Slimani. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Deux octobre 2013, en pleine mer, entre Tripoli et Lampedusa, un bateau ivre, rempli de 500 hommes, femmes et enfants, quitte les côtes libyennes avec comme pour seul bagage un peu d'eau, quelques biscuits et un GPS pour une traversée dont ils ne connaissent pas la durée. Parmi eux, il y a une jeune fille de 23 ans. Elle s'appelle Letter Bran. Son odyssée a commencé il y a un peu plus d'un an. Partie d'Érythrée avec sa meilleure amie Sénaïte pour échapper au service militaire obligatoire, elle a quitté ce pays de la Corne d'Afrique sans pouvoir dire au revoir à ses parents. À deux, elles ont pris la route vers l'Europe comme un cinquième de la population de ce petit pays. Pour l'atteindre, elles ont traversé l'Éthiopie, le Soudan, ont passé des jours à travers le Sahara sur des pick-up blindés. Elles ont connu la chaleur, le manque d'eau et parfois les abus de leurs passeurs, exploiteurs de la misère humaine. Après des mois de voyage, elles sont arrivées à Tripoli sans y voir la mer. Enfermées dans des maisons isolées, accompagnées par d'autres candidats à l'exil, elles ont attendu le grand jour. Alors, pour passer le temps, elles parlent avec les autres migrants de leur parcours et de cette vie rêvée qui les attend de l'autre côté. En attendant de prendre la mer, elles se répètent les noms des villes qu'elles doivent atteindre l'une après l'autre. Lampedusa, Ventimiglia, Paris, Sangatte. Au dernier jour du mois de septembre 2013, en pleine nuit, on vient enfin les chercher. Chargées dans des camions réfrigérés comme on charge des marchandises, elles font le tour de la ville, se serrant un peu plus pour laisser une place aux autres migrants que les passeurs collectent. Chacun doit payer entre 1000 et 3000 dollars pour risquer sa vie et espérer atteindre l'Europe par la mer. Dans une nuit obscure, Letter Bran et Sénaïte s'assoient l'une contre l'autre à bord d'un vieux chalutier. En quittant cette rive, ces deux filles d'Afrique prient leur dieu et la mer de les laisser passer. De l'autre côté, à 160 000 nautiques, l'île de Lampedusa agit comme un aimant. Façonné par les vagues, ce caillou de 20 km de superficie est la première terre européenne. Située entre la Tunisie et la Sicile, l'île porte le nom de la seule ville qui est sur cette île, précisément, où 6000 personnes vivent de la pêche et du tourisme. 6000 Européens en première ligne, à la frontière entre deux mondes, témoins de l'arrivée des vivants et des morts de l'autre rive. Le 3 octobre 2013, au petit matin, les damnés de la terre sont des centaines à s'échouer. Parti la veille avec des amis en bateau pour profiter de la baie de Tabacarra et de son eau turquoise, Charani et Linda, deux Européennes d'Italie, sont réveillées en pleine nuit par des bruits lointains, un peu comme celui d'oiseaux en perdition. Alors elles lèvent l'ancre et prennent la mer. Après quelques minutes, elles voient des points noirs sur l'eau. C'était comme une mer de tête, se souvient Linda. un par un, à l'aide de leurs amis. Elles récupèrent les naufragés. Ils sont souvent nus, le corps enduit de gasoil. En 2 heures, elles en sortent 47, dont une seule femme. Fuorino était également en mer. Lui aussi a été réveillé cette nuit-là. Il raconte. Je dormais dans une zone s'appelant la Tabacara. J'attendais l'aube pour commencer à pêcher. Quand, avec des amis, on a cru entendre des hurlements et des voix. À un moment donné, on est entré dans l'eau. Et là, ce qu'on a vu était affreux. De nombreuses personnes, les bras levés, qui hurlaient. En attendant l'arrivée des secours, on a fait monter à bord de notre bateau des gens qui étaient alors épuisés d'avoir nagé. Ça faisait déjà 3 heures qu'ils étaient dans l'eau. À bord du chalutier, tout est allé très vite. Après 47 heures de traversée, les Terbran et Sénaïte aperçoivent les premières lumières au loin, comme des lucioles. L'Europe est là, à quelques kilomètres seulement. Sans essence pour poursuivre, certains migrants allument les lumières de leur téléphone portable et espèrent ainsi être vus. Les heures passent, mais aucun signe de secours. Alors un homme met le feu à une couverture. Pris de panique, un mouvement de foule fait basculer le bateau. En quelques minutes, l'embarcation rejoint le fond, emportant avec elle ceux qui n'ont pu s'échapper, dont Sénaïte. Les Terbran, elle, a tenu la coque du bateau jusqu'au bout, puis elle a nagé des heures durant, avant qu'un bateau ne la récupère, enfin. Elle est l'une des survivantes de ce naufrage du 3 octobre 2013, aux abords de Lampedusa. Quelques heures plus tard, après les vivants, ce sont les premiers morts que l'on décharge sur le quai, puis qu'on place sur des sacs en plastique. Ils seront 366 à être repêchés ou récupérés sur les plages du Sud. Mais combien sont-ils à avoir été engloutis par la mer sans laisser de traces depuis ce jour d'octobre 2013, victimes de leurs rêves, pourtant si légitimes? Fuir une dictature, une armée, une famine. Comment Lampedusa est-elle devenue un cimetière pour les migrants et une citadelle pour les Européens? Je m'appelle Adiam, je viens d'Érythrée, en Afrique. Je suis arrivée en Italie en 2003 par la mer, en barque. Et pourquoi avez-vous quitté l'Érythrée? Parce que notre gouvernement était une dictature et il y avait la guerre aussi, alors j'ai fui la guerre. J'ai mis beaucoup de temps pour arriver en Italie. J'ai dû traverser le Soudan, le désert, la Libye, puis la mer. Quand on est arrivé au large de la Tunisie, il y a eu une tempête. La barque a chaviré. On a crié « à l'aide, à l'aide ». On a brûlé nos t-shirts. C'était la nuit. Un bateau tunisien est arrivé et nous a sauvés. Il nous a donné une grande barque. Par chance, je ne suis pas morte, mais beaucoup d'autres, oui. Però sei tu morto, morto. Mort. Finito. C'est 10 ans avant le naufrage du 3 octobre qu'Adiam est arrivé à Lampedusa. Cette année-là, 8819 migrants ont été arrêtés aux frontières maritimes de l'île. Ces arrivées représentent déjà plus de 60% du total des migrants arrêtés sur le territoire italien. Au début de ce nouveau millénaire, les problèmes liés à l'immigration clandestine constituent en Europe une question prégnante. En Italie, en 2002, les parlementaires votent une nouvelle loi sur l'immigration dite Bossi-Fini, du nom de ses auteurs, Umberto Bossi, un ancien chef de la Ligue du Nord, et Gianfranco Fini, fondateur du parti post-fasciste Alliance Nationale. Cette loi, votée le 4 juin, durcit les conditions d'entrée des immigrés en Italie, limite le séjour dans les centres, exige la prise des empreintes digitales de tous les étrangers non originaires de l'Union européenne, accélère également les procédures d'expulsion et instaure le délit d'immigration clandestine qui interdit aux bateaux de pêche de porter secours aux migrants en détresse. À la suite de ce vote, le centre d'accueil situé à Lampedusa devient un centre de détention, où la durée maximale de séjour peut aller désormais jusqu'à 60 jours. Et chaque mois, on apprend le naufrage d'un bateau, la découverte d'un ou deux dizaines de corps sur une plage du Sud. Le 19 octobre 2003, ce sont 14 personnes qui perdent la vie à quelques kilomètres des côtes italiennes. Année après année, Lampedusa devient une sorte de laboratoire de la politique sur l'immigration dans l'Italie de Berlusconi. En octobre 2004, le gouvernement signe avec les autorités libyennes un accord de surveillance des frontières, avec fourniture de moyens matériels, mise en place de patrouilles mixtes et dispositifs d'expulsion facilités. En 2005, la politique migratoire européenne évolue également vers plus de contrôle. L'Union se munit d'une agence dénommée Frontex, qui coordonne et gère l'action des pays membres sur ses frontières extérieures. Frontex surveille, compte, fiche, décrypte les routes migratoires et devient un soutien logistique aux pays de l'Union. Désormais, à Lampedusa, les bateaux de guerre côtoient les bateaux de pêche. Au petit matin, les migrants sont des dizaines à débarquer sur le quai, une couverture de survie sur le dos avant d'être emmenés en bus vers le camp situé en dehors de la ville. Derrière ces murs, aucun journaliste n'a le droit de pénétrer. Que se passe-t-il à l'ombre des caméras? Pour en savoir plus, en septembre 2006, Fabrizio Gatti, journaliste de l'hebdomadaire L'Espresso, se jette à l'eau à quelques centaines de mètres d'une plage de Lampedusa et se fait passer pour un migrant. Après avoir été secouru par des riverains, il est amené auprès des carabiniers qui l'envoient dans le camp. Après 6 jours enfermé dans ce centre, il est envoyé en Sicile, puis relâché avec comme seule consigne « Vous avez 6 jours pour quitter l'Italie ». Alors que ses compagnons de fortune prennent la route vers le nord, lui rentre à Rome et écrit un article intitulé « Dans l'enfer de Lampedusa », où il décrit les conditions inhumaines, les humiliations et les brimades des gardiens. Il raconte notamment comment certains gardiens contraignent des musulmans mineurs à regarder des images pornographiques, à se dénuder en public. Il pointe également les mauvaises conditions sanitaires, le surpeuplement. Durant son séjour, il n'a reçu aucune aide juridique. Cette année-là, en 2006, le journaliste de France Inter, Eric Valmire, est sur place. Il rencontre Frédérica, une bénévole de Médecins Sans Frontières, qui a accès au centre. Moi, personnellement, j'aimerais pouvoir avoir du temps pour visiter les gens, parce qu'en fait, on n'a pas le temps pour le faire. Et les choses qui m'ont frappé, c'est les yeux des immigrés. C'est plein de peur, parce qu'ils sont vraiment ils sont effrayés. Et c'était quand même très frappant de voir des personnes baiser le sol. On dit comme ça? Et j'avais vu ça seulement une autre fois dans ma vie en Israël, il y a 15 ans. Et ça te frappe beaucoup, je trouve. Malgré le tollé politique, la situation n'évolue pas. Pire, en 2008, le gouvernement de Berlusconi décide de ralentir les transferts et de plonger un peu plus le centre dans une situation d'urgence. En décembre, le gouvernement italien annonce que quiconque arrivera sur l'île de façon illégale sera détenu pour une durée indéterminée et que les demandes d'asile se dérouleront désormais sur place. Alors que le centre est pensé pour accueillir 351 personnes, au début du mois de janvier 2009, on en compte plus de 2000 détenus derrière des barbelés. Dans la rue désormais, les habitants manifestent contre la militarisation de leur île, qu'ils comparent à un Guantanamo des clandestins. Pour certains lampedusiens, la petite île balnéaire est devenue une prison, comme le raconte cette habitante. C'est tout un petit village. L'impression bizarre, c'est qu'on croit d'être contrôlé par la police. On ne peut pas aller faire les courses quand on voit la police. Donc, tu as l'impression que la police est là pour te contrôler. Ce n'est pas pour l'immigration, mais c'est pour toi. Parce que c'est trop. En fait, vraiment, on ne peut pas sortir de la maison quand on voit des polices, des militaires, toujours, toujours. Même l'autre jour, on allait au restaurant et il n'y avait que 2 clients, en fait, nous et la police. Année après année, à Lampedusa, le passage des migrants laisse des traces. Quelques mots, des vêtements abandonnés sur les plages du sud de l'île et des croix en bois dans le cimetière de la ville qui accueille les corps que la mer a bien voulu faire réapparaître. Il y a les croix blanches avec comme seule indication un numéro, puis celle dont on a retrouvé l'identité. Pour elle, les Lampedusiens offrent des sépultures avec les noms gravés sur du marbre. Dans ce carré des naufragés, les dates, les noms, les catastrophes défilent, plaque après plaque. Sur l'une d'elles, on peut lire « 16 avril 2009, le navire marchand Tuc Pinar, en route vers la Tunisie, se porte au secours d'une embarcation en difficulté. À bord du cargo, on a transféré le corps sans vie d'Esterada, 18 ans, nigériane. » Au cœur de l'île, sur un terrain vague, un autre cimetière voit le jour, celui des épaves de bateaux. Entassés les uns à côté des autres, ils sont les derniers vestiges de ces traversées. Certains sont des vieux chalutiers, d'autres des bateaux de pêche presque neufs. Tous ont des indications arabes sur la coque. En 2011, sur l'autre rive, la révolte gronde. En 4 semaines, les Tunisiens poussent au départ le président Ben Ali en poste depuis 1987. Puis c'est l'Égypte qui s'embrase. Le 11 février 2011, le président Moubarak annonce qu'il s'en va. En Libye, malgré les mobilisations, le dictateur Kadhafi refuse de quitter le pays. Il faudra attendre l'épreuve des armes et le début d'une guerre civile pour que le pouvoir cède. Dans ces pays, les passeurs poursuivent leur trafic, envoyant chaque jour un peu plus des migrants à bord de leurs bateaux miteux. Parmi eux, Haïtem, jeune Tunisien de 19 ans. En 2011, au lendemain de la révolution, Alexandre Degnaud de France 2 suit son odyssée pour envoyer spécial de Zarzis jusqu'en Italie. Elle est avec lui à bord du bateau qui l'emporte. Tu vois, après la collision, je suis tombé dans l'eau. J'ai essayé de m'agripper au bateau des gardes nationaux. Mais le capitaine a surgi de nulle part pour me frapper. Et il m'a dit, tu vas rester là, dans la mer. Tu montes pas. Mais moi, je me suis accroché et j'ai réussi à monter quand même. Si ça marche pas cette fois-ci, tu vas recommencer encore ? Normalement. Mais si Dieu veut, là ça va marcher. Après avoir passé quelques jours à Lampedusa, au centre de détention, Haïtem arrive en Sicile, passe par l'Italie, puis rejoint la France. Il est l'un des 51 753 migrants recensés qui ont débarqué sur l'île italienne en 2011. Cette année-là, ce nombre représente 82% des migrants recensés dans le pays. Avec des arrivées qui constituent près de 10 fois la population de l'île, Lampedusa devient l'étape numéro 1 des routes migratoires de ces réfugiés qui cherchent à tout prix à rejoindre l'Europe. Lampedusa devient aussi une étape pour les populistes de tout genre qui font de cette île le symbole d'une Europe passoire. Le 14 mars 2011, par exemple, Marine Le Pen, alors en campagne pour la présidentielle, se rend à l'improviste sur les lieux. Accompagnée par Mario Borghezio, député européen du Parti de la Ligue du Nord, elle reste à peine 2 heures sur l'île, le temps de faire le tour des médias français, italiens, allemands. L'Europe n'a pas la capacité d'accueillir l'ensemble de ces clandestins. Que les peuples d'Europe sont en situation telle d'appauvrissement que nous ne pouvons pas assumer, en plus d'une immigration légale qui est déjà très importante, je parle évidemment de la France, une immigration clandestine. Quelques jours plus tard, c'est Silvio Berlusconi, président du Conseil italien, qui fait le déplacement et qui promet le départ des réfugiés vers d'autres structures dissimulées sur la péninsule. Il vient annoncer également le financement d'un plan de communication pour relancer le tourisme dans l'île. Dans les journaux, Lampedusa reste le nom d'une mauvaise conscience européenne, d'une histoire sans fin, celle des naufragés en Méditerranée où l'on apprend la mort de 10, 20, 30 réfugiés, un jour d'été ou d'automne, à quelques kilomètres de nos côtes. Mais comme une vague chasse l'autre, chaque drame fait oublier le précédent. Les naufrages deviennent alors des informations dont on ne donne que la date et le nombre de survivants, comme si on avait accepté que notre Méditerranée soit devenue fosse commune. Alors que les institutions de l'Union européenne hésitent, attendent, accentuent les contrôles et les expulsions, c'est un homme d'église, le pape François, qui rappelle l'existence de l'île et de tous ses morts en Méditerranée. En juillet 2013, pour son premier voyage, le pape débarque à Lampedusa. Dans son homilie, il demande pardon pour cette globalisation de l'indifférence. Nous nous sommes habitués. Nous sommes habitués aux souffrances de l'autre. Cela ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre affaire. Revient la figure de l'innominé de Manzoni. La globalisation de l'indifférence nous rend tous innommés, responsables, sans nom et sans visage. Quelques semaines plus tard, le 3 octobre 2013, 366 migrants périssent en mer, toujours dans l'indifférence, ou presque. Know that it's been wrong. It shows in your reflection, you've fallen out of touch. Got lost along the way, and no, it's not enough. But these things, they all get better, and even if it's tough. De place dans l'église, ils sont des centaines sur le parvis balayé par le vent du nord, venus se recueillir à la mémoire des victimes du naufrage, comme Giovanna. J'ai mal au cœur, moi. Et c'est pas la première fois. Il y a toujours des immigrants ici, alors. Des enfants, tout ça, ils sont morts, alors. C'est tout, ça va. Lampedusa est restée ville morte toute la journée, drapeau en berne, écoles et commerces fermés. Max est sénégalais, ça fait 20 ans qu'il habite ici et c'est la première fois qu'il vit un tel drame. Ceux qui sont venus ici, ce sont nos frères, nos parents, ce sont tous de l'Afrique et nous sommes des Africains. C'est pourquoi nous sommes venus avec les Italiens pour commémorer la situation. La messe sera suivie d'une procession. Le cortège passera sur le port de pêche où l'on voit quelques drapeaux noirs avec ce mot écrit en blanc « Vergogna, la honte ». À Lampedusa, Philippe Leduc, Sandy Dauphin, France Inter. Ce 4 octobre 2013, à Lampedusa, au lendemain du naufrage d'une embarcation de migrants qui a provoqué la mort de 366 personnes, les Lampedusiens déplorent ces nouvelles victimes qu'ils retrouvent désormais sur les écrans de télé et dont on cache le visage et le nom. D'où viennent-elles? Quand ont-elles pris la route vers l'Europe? D'Érythrée, de Syrie, d'Éthiopie, quelle guerre se cache derrière ces vies? Pourquoi ces hommes, ces femmes, ces enfants ont-ils décidé de tenter cette traversée? Dès l'annonce du drame, l'émotion passe les frontières. Le 4 octobre 2013, le gouvernement italien décrète un jour de deuil national. Le pape François, en déplacement à Assise, accuse de nouveau le monde d'indifférence envers ses réfugiés. Des politiques du pays et de l'Union européenne, dont José Manuel Barroso, viennent saluer la mémoire des morts. Au même moment, à l'intérieur de sa petite mairie, Giusy Nicolini tient le décompte macabre des victimes que la maire lui livre chaque jour. Au lendemain de son élection en 2012, elle avait déjà alerté les autorités de Rome avec une lettre courte et sans appel. « Je suis la nouvelle maire de Lampedusa », écrit-elle. « On m'a affecté 21 cadavres de personnes qui tentaient d'atteindre l'île. Notre cimetière n'a plus de place. Nous allons l'agrandir. Mais dites-moi, quelle superficie doit-il atteindre ?» Un an plus tard, au lendemain du drame, malgré les annonces, Lampedusa retombera selon elle dans sa solitude, seule au milieu de la mer, à secourir ceux que l'Europe refuse d'accueillir. Lampedusa, Lampedusa sera de nouveau laissée toute seule demain. La grande solitude de Lampedusa, c'est que même après le passage du pape François, on se rend compte que rien ne change dans les lois, les politiques d'accueil, même dans les secours portés à ces réfugiés qui ne sont pas des clandestins, des immigrés légaux. Et ce n'est pas aux forces de police d'aller les récupérer dans l'eau, vivants ou morts. Il devrait y avoir des couloirs humanitaires. Le naufrage du 3 octobre 2013 est à l'époque le drame le plus important de ce siècle qui commence. Alors, le gouvernement italien lance une première opération de surveillance et de secours qui porte le nom de Mare Nostrum. Sur les mers, désormais, des bâtiments militaires italiens partent au secours des migrants jusqu'aux côtes libyennes. Alors que chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux à être ramenés sur terre sains et saufs, c'est à l'intérieur du centre d'accueil que les critiques se portent de nouveau. Le 16 décembre 2013, le journal de la RAI 2 diffuse un reportage réalisé à l'aide d'images du téléphone portable de Raled, un réfugié syrien qui a filmé l'intérieur du camp. On y voit les migrants, hommes, enfants, attendre nus dans le froid avant d'être aspergés de produits désinfectants. Les membres du centre les traitent sans considération, jetant leurs affaires à terre. L'effroi est grand sur l'île, comme en Europe. Cécile Malmström, commissaire européenne aux affaires intérieures, déclare sur Twitter l'ouverture d'une enquête sur ces traitements qu'elle juge épouvantables. Et le gouvernement italien suspend les dirigeants du centre et il annonce l'évacuation du camp pour une remise à niveau ainsi qu'une révision des lois dites Fini-Bossi. Sur le plan des sauvetages, après un an d'existence et 150 000 personnes sauvées, l'opération Mare Nostrum est arrêtée. À partir du 1er novembre 2014, l'Europe prend la relève avec l'opération Triton. Malgré une coordination européenne sous la houlette de Frontex, le budget de l'opération passe de 9 millions par mois à 3 millions. À l'inverse de l'initiative italienne, Triton n'est pas une opération de sauvetage, non, mais de surveillance sur l'ensemble des eaux territoriales européennes. Quelques mois plus tard, le 19 avril 2015, un nouveau drame fait la une des médias du monde. Inter. Nouvelle tragédie en Méditerranée selon un scénario qui se répète. Un chalutier de 20 mètres de long avec à son bord plus de 700 migrants alors qu'il ne pouvait accueillir qu'une centaine de passagers a fait naufrage à 110 km des côtes libyennes. Dans la nuit, les migrants lancent un appel de détresse suite à des difficultés de navigation. Les gardes-côtes italiens déroutent sur la zone un navire marchand portugais. En le voyant arriver, les migrants se portent tous du même côté de l'embarcation, la faisant chavirer. 28 personnes ont été secourues pour l'instant et d'autres navires ont été dépêchés sur place pour trouver des survivants. Si le nombre de 700 victimes était avéré, cela porterait le bilan des morts en Méditerranée à 1600 depuis le début de l'année, alors qu'il était de 47 victimes à la même époque en 2014. Hausse également du nombre de migrants à accueillir pour l'Italie depuis le début du mois d'avril. 15 000 nouvelles personnes, dont de nombreux enfants, sont arrivées dans la péninsule. Le HCR demande désormais la mise en place d'un Mare Nostrum européen. 4 jours plus tard, le Conseil européen annonce que l'Union européenne mettra tout en œuvre pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines en mer. Pour cela, elle lance une opération militaire pour lutter contre les passeurs et les trafiquants humains. Encore une fois, son objectif n'est pas le sauvetage, mais la surveillance et la lutte contre le trafic. Après chaque drame, certes, Bruxelles s'émeut, puis hésite, tâtonne, modifie les lois, espère toujours faire de la Méditerranée un mur étanche. Alors, dès la fin de l'année 2014, ce sont les ONG qui prennent le relais des sauvetages en mer, comme autant des boat people vietnamiens. Le drame est désormais à quelques centaines de kilomètres de nos plages. Des médecins et des bénévoles partent en mer secourir ces migrants. À Lampedusa, les habitants poursuivent leur vie d'accueil et de deuil. Parmi eux, ce médecin filmé dans le bouleversant documentaire intitulé « Fuoco a mare » par-delà Lampedusa de Gianfranco Rossi, Ours d'or au dernier festival de Berlin et qui sortira en septembre 2016. Devant un écran d'ordinateur, il montre les photos d'un bateau de réfugiés puis d'un adolescent allongé, rachitique. Il raconte les traces de la traversée sur les corps meurtris, les brûlures dues au mélange d'eau et d'essence, la déshydratation et l'étouffement. Avec retenue, il parle des vivants et se souvient des morts de Lampedusa. Tout homme a le devoir, s'il est un être humain, de secourir ces personnes. Quand nous y parvenons, Nous en sommes vraiment heureux. Heureux d'avoir pu les aider. C'est parfois impossible, hélas. Je dois parfois assister à des choses épouvantables. Des morts, des enfants. Quand cela arrive, je suis obligé de le faire. Ce que je déteste le plus, l'inspection de cadavres. J'en ai fait beaucoup, sans doute trop. Beaucoup d'amis ou de collègues me disent « Tu en as tellement vu ». Tu es habitué. C'est faux. Comment peut-on s'habituer à voir des enfants morts, des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché sur des canots en perdition, l'enfant encore attaché par le cordon ombilical? Tout ça te laisse une colère, un vide dans l'estomac, un trou. Tu penses... Tu rêves d'eux, je fais des cauchemars où je revis, souvent, souvent. Aujourd'hui encore, de l'autre côté de la rive, des migrants prennent la route de l'Europe, quittent leur pays, traversent des déserts, attendent dans des maisons des jours entiers, puis tentent leur chance par la mer. Combien survivront à la prochaine traversée? Combien de bateaux coulent sans même qu'on ne le sache? How many people? Please. How many people? 250. Your position. Please, you beg, you please, Azeba. Your position. In the name of God. Your position. Hello. Hello. Encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le drame des migrants. Et à Lampedusa, bonjour Jean-Paul Marie. Bonjour. Vous êtes notre invité. Je rappelle aux auditeurs, vous êtes grand reporter pour Nouvelle Obs pour 30 ans. Pendant 30 ans, prix Albert Long, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les bateaux ivres » qui nous plonge dans l'odyssée des migrants. Au printemps dernier, vous avez tenu un journal de bord lors des 3 semaines que vous avez passé à bord de l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée qui porte secours aux embarcations de migrants. Je voudrais lire quelques lignes de la 4e de couverture de votre livre car elles disent beaucoup de choses. « 35 ans que je cours le monde et ses tourments. La première fois que j'ai vu l'exode d'une population, c'était les boat people qui fuyaient le régime d'Hanoï. Mais ces migrants étaient des réfugiés politiques et le monde les regardait d'un œil bienveillant. Avec le temps, l'opinion s'est lassée. J'ai suivi les barques qui affrontaient le détroit de Gibraltar, les pirogues de la mort pour les Canaries, les zodiacs de Turquie vers l'île grecque de Lesbos, le flot des épaves vers le canal de Sicile, jusqu'à Lampedusa. J'ai suivi le sillage de ces bateaux ivres, sur terre et sur mer. Je voulais faire le récit de ces hommes et de ces femmes qui ne voient qu'une seule issue, partir. Voilà. Donc c'est un très beau livre, très beau dans toute la gravité hein, qu'il contient. Et parmi tous ces damnés de la Terre, parmi ces victimes, il y a de nombreux cas, de nombreux témoignages, comme les deux filles du naufrage du 3 octobre 2013, que nous avons cité dans le récit. Il y a Robiel aussi, un érythréen qui a mis 5 ans, lui, à atteindre la mer. Parlez-nous de lui et de la situation dans son pays qu'on connaît si peu, l'Érythrée. C'est un exemple à des motivations qui poussent des gens à partir, et pas par plaisir, hein, par désespoir. Oui, nous sommes dans une succession de trous noirs. Mmh. Déjà, un trou noir au départ, c'est celui de l'Érythrée, qui, pour ceux qui connaissent, on appelle ça la Corée du Nord de l'Afrique. Et c'est une dictature, un petit pays face à l'Éthiopie, qui a été en guerre pendant très longtemps avec l'Éthiopie, qui est encore en guerre sur des frontières. Et qui est tenu par un dictateur qui s'appelle Asayas Afewerki. Bon, situation, on va dire, classique. Sauf que vivre là-bas est un enfer parce que vous n'avez pas d'avenir. L'enfer, c'est pas seulement la torture et la prison. Et là, il y en a. Hein. On pense qu'il y a 400 containers dans le désert où les gens sont enfermés. Des containers métalliques dans le désert. Il fait chaud là-bas. Oui, très chaud, on imagine. Oui, beaucoup qui n'en sortent pas. Et l'Érythrée, quand vous faites votre service militaire, quand vous êtes appelé, on vous réquisitionne, vous ne savez pas si c'est pour 1 an, 2 ans ou à vie. Donc les gens font des services militaires à vie. Alors Robiel est un garçon, et c'est très étonnant pour moi, c'est un garçon, c'est le seul que je n'ai pas rencontré dans ce livre. Ouais. Tous les autres, je les ai rencontrés. Et c'est mon personnage principal, celui qui m'a le plus impressionné. Il m'a même habité une partie de mes nuits. Et Robiel, c'est quelqu'un que je découvre au moment où il disparaît. Et c'est un garçon qui va être horticulteur. Ça tombe mal, il est un peu à service militaire. Il s'évade. Il décide de partir, on le rattrape. Il fait 2 ans de prison. Encore une fois, c'est pas Fleury Mérangis, hein, c'est les prisons en Érythrée, avec ce que ça veut dire. Il en sort, dans ces cas-là, vous êtes soit cassé, soit révolté. Lui, il décide de repartir. Et il réussit, alors il est militaire, il patrouille le long de la frontière avec le Soudan, et il réussit à s'évader. Alors il marque 5 jours, 5 nuits, il se cache le jour, en fait, c'est tout. Vous savez, le problème avec ce qu'on appelle les migrants, c'est que chaque fois que vous les écoutez, c'est une épopée qu'on vous raconte. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une épopée. Lui, c'est une épopée. Et donc, il se retrouve au Soudan, il rencontre une demoiselle qui va devenir sa fiancée. La nuit, il apprend l'informatique, voyons, pourquoi pas. Et il décide avec elle, parce que le Soudan, c'est pas terrible, surtout quand on est chrétien, on l'oublie. Bon. Et il décide de partir vers l'Europe, quoi. Et il se découvre une lointaine cousine en Italie. Bon, ils partent. Et le chemin est terrible hein, du Soudan, parce qu'il faut rouler le long du désert, en camion surchargé. Beaucoup de gens meurent. Ce chemin est parsemé de cadavres séchés, de migrants. Les camions ne s'arrêtent pas quand vous tombez. Jamais, jamais. Ils arrivent en Libye, où ils tombent dans les mains des passeurs libyens, qui considèrent qu'ils se sont des esclaves hein, du bétail qu'ils achètent eux-mêmes aux Soudanais. Je vais la faire courte parce que ça lui a pris 5 ans. Et il est allé, il réussit parce que c'est un homme intelligent. Il réussit à aller à Benghazi, à s'en sortir sans que sa femme soit violée, sans que lui soit violé. Parce que, en fait, les Libyens violent toutes les personnes qui passent chez eux. Ils les tabassent, ils les rançonnent, ils les torturent. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, c'est l'histoire. C'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire parce que les Libyens ont transformé, ils ont réinstauré la traite négrière et l'esclavage en Libye. Alors, on commence à comprendre ce qui se passe. Mais notamment nous, sur l'Aquarius, on voit arriver les gens. Et on leur dit, je me rappelle à la clinique, et c'est un médecin qui disait, mais ça fait 5 fois que vous venez me voir quelqu'un qu'on avait retiré de l'eau, quoi. Qu'est-ce que vous avez? Où avez-vous mal? Il dit, j'ai mal à la Libye. D'accord. Il avait mal partout. Et donc, ils ont des maisons de torture, etc. Et Robiel s'en sort. Il arrive à Lampedusa. Ça se passe bien. pour arriver à Lampedusa, il est secouru très vite. Il se retrouve 6 mois, 1 an après de camp de rétention, détention en Italie. Il va chez sa cousine, qui le reçoit à bras ouverts, sa cousine très lointaine. C'est une métisse italo-érythréenne, la nationalité. Donc pour lui, là, c'est la fin du calvaire. Voilà. Selon les méthodes classiques, si vous voulez, c'est la fin. C'est-à-dire, on sait bien que tous les réfugiés, tous les migrants veulent s'asseoir à côté d'un radiateur, ne rien faire, manger et boire gratuit. Eh bien non, ça marche pas comme ça. Et pendant 4 mois, il trouve pas de travail. Il dit à sa cousine, il faut que j'aille chercher le travail. Il dit, mais reste, tu es bien ici. Tu es en sécurité. Il dit, oui, mais moi, je suis là pour construire une vie. J'ai ma mère et ma sœur qui sont dans un camp au Soudan et ma fiancée qui attend à Rome. Il faut que j'aille construire une vie. Il s'en va. On lui dit, il est très mal informé, on lui dit que, il y a du travail en France, donc il y va. Et puis arrivé en France, il s'aperçoit que c'est pas vrai, donc il va à Calais. Calais, déjà. Ouais. Et cette histoire m'a été racontée aussi par un de ses amis, qui s'appelle lui aussi, qui porte le même nom, Robiel, qu'on appelle Roby pour pas se tromper. Et Roby m'a raconté comment Robiel est mort, noyé, dans le port de Calais, dans le port de Calais, à 150 mètres du bateau qui devait l'emmener, le ferry, vers son... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait du courant, il y avait, quand vous dépassez la jetée, vous avez du vent, et il a coulé, et il est mort noyé à 150 mètres après 5 ans. Or, Robiel, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup habité, parce que c'est un homme qui avait un sourire d'enfant. Il avait un sourire à faire fondre l'Himalaya. Et c'est un homme intelligent, gentil, qui avait un avenir devant lui. Et il est resté un mois dans l'eau avant que la mer le rejette. Et donc, on est allé l'identifier après, avec sa cousine et son ami, qui l'a identifié grâce à 2 tatouages, un papillon sur l'épaule et la figure d'un saint sur la poitrine, la légèreté et la grâce qui ne l'ont pas servi. Et Robiel, du coup, que je n'ai jamais rencontré, est devenu l'homme qui m'a le plus habité, parce qu'il symbolise pour moi, il représente, il incarne, même en étant mort, tous ces gens dont on ne sait pas qu'ils sont partis, dont on ne sait pas qu'ils existaient, dont on ne connaît pas le nom, et dont on ne sait même pas qu'ils sont morts. Ça, vous parliez tout à l'heure des radeaux, de la Méduse, des radeaux fantômes, voilà ce qui nous hante le plus, c'est cette masse de gens dont on ne sait même pas qu'ils existaient. Merci Jean-Paul Marie pour ce récit, finalement, ce deuxième récit dans le récit, mais qui porte à la fois tant de réalité et tant de symboles du drame que vivent ces gens-là. Parlons quand même des gens de Lampedusa, quand même. Ah, voilà. Comment on parle ? Eh bien, vous savez quoi ? Qui sont-ils ? Je vais vous le dire, qu'ils sont, parce que j'y suis allé 2 ou 3 fois à Lampedusa, 3 fois même, et je vais vous dire, ce sont des hommes, mais des vrais. C'est-à-dire ? Ah, c'est des gens qui ont un cœur, une tête, une conscience, de la force, du courage, de l'humilité, qui ont de la compassion, mais pas comme les politiques. Vous savez, quand il y a une catastrophe, le politique se dirige immédiatement vers le lieu de la catastrophe, il exprime toute sa compassion et il s'en va. Et il s'en va. Et puis c'est après, bon. Ça s'arrête là. Eux, non. Vous savez, vous parlez de Fabrizio Gatti, ce journaliste qui s'est fait passer pour un migrant. Vous savez ce qui lui est arrivé ? Qui est allé dans le centre. Il s'est jeté à l'eau en arrivant à Lampedusa pour voir ce qui se passait. Il a resté 5 heures dans l'eau, parce que personne ne l'entendait crier. Et puis tout d'un coup, je crois que c'est un homme qui s'appelle Giacomo Sferlazzo, qui est un homme du coin, et qui est un électricien, je crois, et qui a entendu les cris. Puis finalement, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc il a sorti Fabrizio Gatti, mais pour lui, c'était un migrant. De l'eau, bien sûr. Hein. Et puis il a vu qu'il était mort de froid, en hypothermie. Alors il a commencé à le déshabiller, à le masser. Et puis il a vu que ça ne suffisait pas. Vous savez ce qu'il a fait, ce grand monsieur avec une grosse barbe, des cheveux hirsutes et du poil sur la poitrine? Il s'est mis tout nu et il s'est couché sur Fabrizio Gatti en lui disant « Pardonne-moi, je t'ai pas entendu crier, pardonne-moi ». Il parlait à un mort. « Pardonne-moi, si jamais tu meurs, je m'en voudrais toute ma vie, pardonne-moi, reviens à la vie ». Et Fabrizio Gatti, qui n'est pas un migrant, mais un journaliste, l'a raconté. Donc nous avons un témoignage direct là. Voilà ce que c'est les gens de Lampedusa. Ce sont des gens qui sont envahis, submergés par des migrants, qui ont comme travail le tourisme, donc les plages, et les filets de la pêche, le tout étant noyé, bourré de migrants, qui devraient les détester, et qui les accueillent en disant, je vais vous raconter une histoire, quand je suis arrivé à Lampedusa, j'ai vu un panneau. « Non ci sentiamo italiani », on ne se sent pas italien. Ah, ben je dis, voilà des gens qui sont encore en colère, je vais avoir un mouvement poujadiste. Et donc j'interroge les gens de Lampedusa en leur disant, vous n'êtes pas en colère, vous êtes en colère à cause des migrants. Ah non, les pauvres. Ben alors vous êtes en colère contre qui? Mais contre Rome, Bruxelles, qui ne fait rien pour ces gens. Voilà ce qu'est Lampedusa. Lampedusa devrait avoir le prix Nobel de la paix. Lampedusa, c'est des gens qui ont plus de conscience que des gens à Paris ou à Bruxelles ou à Rome. Lampedusa, c'est des gens qui sont proches qui sont en contact avec cette réalité. Qui sont submergés. Vous allez à Lampedusa, vous les voyez des migrants partout. Mais ce sont des gens qui ont gardé cette humanité. Ouais. Lampedusa, l'instituteur, est en train de créer un musée des vestiges. Vous avez parlé des vestiges. Mmh. Vous savez ce qu'elle dit, Giusino Nicolini? C'est pour ça que j'ai fait un documentaire. La mère. J'ai fait un. Oui, la mairesse. Oui, la mère. La mère, toujours la mère. Hein. Et j'ai fait un documentaire qui s'appelle « Les migrants ne savent pas nager ». Vous savez pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que Giusy Nicolini a dit « On ne peut pas demander seulement aux migrants de savoir nager, c'est obscène ». Voilà. L'autre obscénité, eh bien, les gens de Lampedusa la refusent et ce sont des pêcheurs, des marins. Ils tiennent des auberges, ils tiennent des cartes postales, mais quand le vendeur de glace sait qu'il y a un naufrage, il ferme sa boutique, même en plein été, et il va les chercher. Concernant Lampedusa, vous m'avez montré une photo tout à l'heure. Mmh. Vous avez gardé sur votre téléphone portable et cette photo, comme beaucoup de photos, forte. Elle dit beaucoup de choses. Oui, ce qu'elle dit, je suis tombé. Ben, j'en ai gardé beaucoup de photos de Lampedusa pour vous dire. Celle-là, elle est forte parce que c'est en plein milieu de l'île. Vous avez un bateau en pierre noir comme ça qui est posé avec un poteau à côté, avec des panneaux, vous savez, des petites flèches. Oui, alors, Danemark, 3000 km, la Mecque, 3700 km, Afrique du Sud, 8000 km. On voit partout, hein, dans surtout les sites touristiques. Et alors là, il y en a plein. Et ce sont les gens de Lampedusa qui l'ont fait. Ces gens ont une capacité d'être hommes que nous pouvons leur envier. Vous savez ce que c'est être un homme? Être un homme, c'est très simple. C'est vous promener au bord de l'eau, vous n'en avez qu'un qui crie à l'aide, je me noie. Les hommes plongent. Les autres se demandent s'ils ont la place pour l'accueillir, s'ils vont pas mouiller leur costume, si c'est pas bout du sauver des eaux, s'ils vont pas avoir une mauvaise haleine. Être homme, c'est simple. On vous a compris. On a bien compris. Il y a quelques jours, un journaliste de France 2, Franck Ganouzo, a reçu le prix du meilleur reportage au Festival de télé de Monte-Carlo pour un sujet à bord d'un bateau de migrants, comme vous l'avez fait, ou bord d'un bateau de migrants, mais cette fois entre la Turquie et l'île de Lesbos, en Grèce. Car il y a une deuxième île, hein, comme Lampedusa en ce moment. On écoute d'abord un extrait, on en parle ensemble. En file indienne, des dizaines de réfugiés syriens et irakiens descendent vers la mer. 24 heures qu'ils attendaient cachés le long de la côte turque. Un simple passager est alors désigné capitaine par un passeur qui lui montre comment tenir la barre avant de s'éclipser. 60 personnes se serrent sur cette vieille chaloupe. 2000 euros par adulte, 1000 euros pour les enfants. La traversée est pénible. Le bruit du moteur écorche les tympans. La fumée et les odeurs de mazout prennent à la gorge. La nuit commence à tomber. C'est à ce moment précis que le moteur va rendre son dernier souffle. Le moteur vient de s'arrêter et on se retrouve donc à peu près 2,5 km, 3 km des côtes turques, quasiment sans lumière si ce n'est celle de notre caméra. Et on ne voit pas de bateau à l'horizon. Pour l'instant, on est bloqué. Plongé dans le noir, le son glaçant des sifflets de gilets de sauvetage. Puis la lumière des téléphones portables pour attirer l'attention d'autres bateaux. Les passeurs ne leur ont laissé aucun numéro d'appel d'urgence. Arrêtez de bouger, sinon on va finir par chavirer. L'ignominie humaine engendre l'ignominie humaine, notamment les passeurs qui profitent de la situation pour se faire de l'argent, qui en plus maltraitent, et c'est le moins qu'on puisse dire, ceux qu'ils font passer. Puis il y a ceux qui viennent à leur secours, et puis il y a ceux qui témoignent et qui viennent à leur secours en même temps, comme ce journaliste qu'on a entendu, et vous aussi sur l'Aquarius. Racontez-nous comment s'est passé le premier sauvetage sur l'Aquarius que vous avez découvert, comment vous l'avez vécu. Alors déjà, il faut dire que l'Aquarius, c'est le bateau de l'association SOS Méditerranée. Oui. Et que cette histoire a commencé il y a un an maintenant, en fait, notre première année, que je ne connaissais pas cette histoire, j'ai découvert cet hiver, et que c'est un capitaine de navire de marine marchande allemande et une humanitaire qui ont dit, quand ils ont vu l'opération Mare Nostrum s'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Qui va les sauver, les migrants? Eh bien, personne. Eh bien, on va trouver un bateau, faisons-le nous-mêmes. C'est ça, l'Aquarius. Mmh. Moi, je n'y suis allé que pour participer à la première rotation, ce qu'on appelle une rotation, c'est-à-dire à la première campagne de 21 jours, en fin février, début mars. mars, et je suis allé sur le bateau pour faire ce que je sais un peu faire, c'est témoigner, écrire, oui, oui, écrire, enfin, témoigner par l'écriture, raconter, dire, voilà, faire du bruit, du tam-tam, c'est ça. Et comme je venais d'écrire Les bateaux ivres, ce qu'on vient d'entendre, vous comprenez, c'est ça, Les bateaux ivres. Les bateaux ivres, c'est ça. Je venais d'écrire Les bateaux ivres, les gens de la Solidarité m'ont dit, il faut qu'on se parle, alors, on s'est rencontrés, on s'est plus, on s'est beaucoup plus, etc. Et je me suis retrouvé sur le bateau. Mais j'étais là, d'abord, pour raconter. Mais il y a tout un équipage. Il y a des marins professionnels, il y a des bénévoles qui font du secours en mer. C'est quelle dimension? C'est un grand bateau, 77 mètres. Ah, oui, d'accord. 77 mètres de long, 1800 tonnes. Ça nous coûte 11 000 euros par jour, quand même. Et financé uniquement par des dons privés, des petits chèques de 30, 50, 100 euros. Donc, bref, je me retrouve sur ce bateau. Ça tombe bien, on a 21 jours, il fait 18 jours de mauvaise mer, donc on bouge beaucoup. Et là, je me suis rappelé ce pourquoi j'avais écrit Les bateaux ivres. Je me suis rappelé le bateau ivre, vous savez, la tempête a béni mes éveils maritimes, plus légers qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots, qu'on dit rouleurs éternels de victimes. Donc il avait dû faire un bateau humanitaire lui aussi. Et donc je me suis retrouvé là, et effectivement, pendant des jours entiers, on a attendu, parce que la mer était mauvaise, on patrouille face à la Libye, à une vingtaine de milles de la Libye, d'est en ouest, en sachant qu'il y a à avoir des zodiacs. Alors, zodiacs, c'est pas le vrai mot, des embarcations automatiques, on les appelle zodiacs, qui sont des morceaux des boudins de plastique, qui sont reliés entre eux par une petite toile, avec des planches, des clous qui dépassent, une horreur, un moteur qui cale, comme celui qu'on vient d'entendre là. Et qui, forcément, une essence qui marche pas. Et donc, on a vu, l'idée, c'est de veiller et d'attendre le jour de beau temps, ce qui se passe. En ce moment, nous avons une opération en mer et il est fort question qu'on ait un sauvetage là. En ce moment même, nous parlons là maintenant. Donc, il faut être tout le temps avec des jumelles et puis écouter aussi le centre maritime de Rome, parce que quand ces gens appellent, vous savez, sauvez-nous, etc. Alors, soit, lui n'avait pas de GPS, à l'évidence. Celui qui a appelé, là, dans Fuoco Amare, qui est un film magnifique, encore une fois. Mais parfois, ils ont un GPS, alors ils vous donnent les positions. Et nous, notre travail, c'est de les trouver. Et d'aller les chercher avant qu'ils ne coulent. Mais, ce n'est pas une formule. Parce que même s'ils sont depuis 6 heures en mer, ce qui n'est rien, ces boudins de plastique, ces jouets de plage ne tiennent pas 24 heures. Donc, si vous voulez, un des sauvetages que nous avons fait, quand les canots de sauvetage sont arrivés sur le Zodiac, il était cassé en deux par le milieu, les gens avaient de l'eau jusqu'au cou et ils étaient en train de couler. Et on a retrouvé 6 corps d'hommes noyés au fond du bateau, deux qui se sont noyés en essayant d'aller vers nous, parce que les migrants ne savent pas nager, c'est cela. Et on a réussi dans c'était pas du chaos, mais parce que nos gens sont organisés, mais c'était d'une détresse épouvantable. C'était en train de couler sous nos yeux. Et c'est pour ça, je vous dis que ces zodiacs me hantent, parce que je sais très bien, nous savons tous très bien que si on était arrivé un quart d'heure plus tard, on trouvait quoi? Un trou dans l'eau. Donc voilà, et nous sommes un seul bateau de sauvetage. Il en faudrait des dizaines de bateaux de sauvetage. Il n'y en a qu'un. Oui, enfin non, il y a aussi celui... Il y a d'autres... Il y a le Dignity One de Médecins Sans Frontières, le Bourbon. Et puis il y a un petit bateau Sea-Watch qui lui fait de la surveillance et donne des jets de sauvetage. Mais Sophia, l'opération des navires militaires qui sont là pour traquer les passeurs, comme ils n'attrapent personne et que c'est un échec, selon le rapport de la commission des lords britanniques, pas selon moi, un échec total, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du secours en mer. Donc on paye très très très très cher des navires de guerre pour faire l'opération qui pourrait être faite par des bateaux civils en payant beaucoup beaucoup beaucoup moins cher. Donc voilà, nous avons des gens, au moment où nous parlons, qui sont en train de couler, peut-être certains se sont noyés, en tout cas sur le sauvetage dont je vous parlais, on a récupéré 108 migrants, mais on sait qu'il y en a au moins 20 qui ont été enlevés, balayés par les vagues avant qu'on arrive. 20. Et vous parliez du naufrage d'octobre 2013. J'ai vu des images au fond de l'eau. Ils sont là, au fond de l'eau. Ils sont posés, les migrants. On les trouve. Là, on les voit. Et dans mon film, je les montre, ces images. Ils sont là. Les gens sont au fond de l'eau. Quand on dit que la Méditerranée est un cimetière marin, ce n'est pas une image. Donc, il faut agir. Il faut faire vite. Il faut faire beaucoup. Beaucoup, beaucoup plus. C'est pour ça qu'SOS Méditerranée continue. On continuera au moins jusqu'à la fin de l'année 2016. Et on peut d'ailleurs participer à cette action. Nous avons un site qui s'appelle sosméditerranée.fr. C'est très bien de donner. Ce sera le mot de la fin. Et c'est moi maintenant qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Jean-Paul Marie. Au revoir.